Le temps est un petit bonhomme assez capricieux qui nous taquine à qui mieux mieux. Il s'étire comme du chewing-gum, ça n'est pas du jeu. Dès qu'il sent qu'on s'embête un peu, mais si tôt qu'on l'attend, le temps prend tout son temps. J'ai des fourmis dans les pattes. J'ai des fourmis sur la langue. J'ai des fourmis dans le ventre. J'ai des fourmis partout, partout, partout. Nom d'une croûte de chèvre, on ne va pas rester comme ça sans rien faire. Hé, lapin. Hé, les frères Pivert. Hé, vous m'entendez? Hé! Quoi? Quoi? Mais enfin, on ne va tout de même pas attendre la prochaine Saint-Glinglin si on la faisait quand même, cette fête. Tout seul? Tout seul. Et nous, alors? On n'existe pas, peut-être?